The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Suit. Le costume. Sober. Sobre. Stripe. La rayure. To be too much. Faire trop. Fitting room. La cabine d'essayage. Sleeve. La manche. Tight. Serré. Alteration. La retouche. To modify. Reprendre. To loosen. Desserrer. Cufflink. Le bouton de manchette. Tie. La cravate. To go together. Se marier. Shades. Les tons. To do. Faire l'affaire. Now, a bit faster. Fitting room. La cabine d'essayage. Tight. Serré. To go together. Se marier. Fitting room. La cabine d'essayage. Sober. Sobre. Shades. Les tons. To do. Faire l'affaire. Sober. Sobre. Sleeve. La manche. Fitting room. La cabine d'essayage. Sober. Sobre. Shades. Les tons. Tight. Serré. To do. Faire l'affaire. To go together. Se marier. To do. Faire l'affaire. Tie. La cravate. Cufflink. Le bouton de manchette. Alteration. La retouche. Sleeve. La manche. To go together. Se marier. Suit. Le costume. Stripe. La rayure. To go together. Se marier. Stripe. La rayure. To loosen. Desserrer. Sober. Sobre. To loosen. Desserrer. Sleeve. La manche. Tight. Serré. Now, use the words in context. Sobre. I hope to have a simple interior design for my next sitting room. Je souhaite une décoration sobre pour mon futur salon. Faire trop. It would be too much if you add feathers to this hat. Ça fera trop si tu ajoutes des plumes à ce chapeau. Reprendre. I'm going to have these jeans altered and take them in. They are too big. Je vais faire reprendre ce jean et le faire resserrer. Il est trop grand. Se marier. This dish is delicious. The sweet and savory flavors go perfectly together. Ce plat est délicieux. Les saveurs salées et sucrées se marient parfaitement. Faire l'affaire. That camera should be good for the photo shoot. Cet appareil photo devrait faire l'affaire pour la séance photo. Faire trop. It would be too much if you add feathers to this hat. Ça fera trop si tu ajoutes des plumes à ce chapeau. Se marier. This dish is delicious. The sweet and savory flavors go perfectly together. Ce plat est délicieux. Les saveurs salées et sucrées se marient parfaitement. Faire l'affaire. That camera should be good for the photo shoot. Cet appareil photo devrait faire l'affaire pour la séance photo.